Jupiter a sa mission Juno, Saturne a eu son Cassini, même la lointaine Pluton a vu passer New Horizons. Mais pour ce qui concerne Uranus et Neptune, plus rien depuis le passage express de Voyager 2 à la fin des années 80. Et pourtant Neptune est intéressante à plus d'un titre, ne serait-ce que pour son satellite Triton, le seul satellite du système solaire à tourner dans le sens rétrograde. Que sait-on de Neptune, de sa composition, de son évolution, de ses anneaux quasi invisibles et de ses multiples satellites, et surtout, et si Neptune n'était pas vraiment la huitième et dernière planète de notre système solaire? Neptune, cette lointaine inconnue, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir explorer les confins de notre système planétaire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Sicardi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie, chercheur à l'observatoire Paris-Meudon et co-découvreur des anneaux de Neptune. C'était en 1984 avec André Braik et William Hubbard. Bonjour François Collat. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'observatoire de Paris. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude en direct sur les ondes et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En 1846, voici un siècle, le Verrier, par le seul résultat d'une suite de prodigieux calculs, fixait dans l'espace la place d'une planète inconnue. Et les télescopes des savants incrédules, braqués vers le ciel, y découvraient Neptune à 4,5 milliards de kilomètres. Une archive datée de 1946, soit, comme vous venez de l'entendre, un siècle après les calculs de Le Verrier, parce que c'est peut-être la première caractéristique de Neptune, Bruno Sicardi, François Collat, c'est la première planète à avoir été calculée avant d'avoir été observée. Oui, en fait, c'est donc des calculs au 19e siècle qui ont montré que le mouvement de Uranus n'était pas comme attendu par les lois de la mécanique céleste. En fait, elles obéissaient évidemment aux lois de la mécanique céleste, mais il y avait des déviations. Et donc, ces déviations pouvaient être dues à différentes choses, et en particulier à une planète au-delà d'Uranus. Donc, Adams, donc en Grande-Bretagne, et Le Verrier en France ont calculé la position de cette planète hypothétique. On a pointé les télescopes et on a vu une planète à cet endroit, en gros. Hein, donc, c'était pas les calculs de Le Verrier étaient plus précis que ceux d'Adams. Oui. Il les a fait en premier aussi. Ceci dit, c'était à l'ordre du degré, donc c'était pas non plus des calculs très très précis. Mais en tout cas, c'était le triomphe de la mécanique céleste, puisque pour la première fois, avec un crayon, un papier, des calculs mathématiques, on trouvait un astre sans l'avoir vu auparavant. Et pour la petite histoire, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, Neptune avait en fait déjà été observé, a priori même par Galilée, sauf qu'à l'époque, il pensait voir juste une étoile de plus. Ben oui, parce qu'en fait, comme c'est une planète lointaine, en fait, elle bouge très peu sur le fond d'étoiles. Donc en fait, si vous regardez ça dans un télescope, vous ne voyez pas ça bouger comme un astéroïde où vous regardez 10 minutes après, vous l'avez vu bouger. Là, elle reste pratiquement immobile. Donc en fait, les gens pensaient que c'était une étoile. Donc il y a dans le catalogue de Lalande en particulier, elle a été observée. Voilà. Et dans la foulée de l'observation de Neptune, on observe Triton assez rapidement aussi, Bruno Sicardi, qui est son plus gros satellite. On va voir que c'est un satellite très particulier. Oui, alors Triton est un très gros satellite. En fait, il est plus gros que Pluton. Il est plus gros que Pluton, un peu plus gros. Il a une atmosphère à peu près identique à celle de Pluton, une atmosphère d'azote. Et donc c'est une sorte de jumeau de Pluton. Il est incliné, il est rétrograde autour de Neptune. Et donc il est apparu assez vite comme une sorte de corps capturé de la région transneptunienne. Mmh. Ensuite, comment ça s'est passé, on ne sait pas. Mais on pense que dans le système solaire primitif, tous ces corps avaient des orbites plus perturbées. Et l'un d'entre eux, donc Triton, est passé près de Neptune et a été capturé. Mmh. Alors, ce sont des modèles ensuite, donc personne n'a assisté à ça. Donc il y a des gens qui travaillent sur la capture, dans quelles conditions ça s'est fait, quelles ont été les conséquences sur le système déjà existant, comment Triton a été freiné, puisque sinon il repart à l'infini. Et donc tout ça est compliqué. Je veux dire, donc on n'a pas d'histoire complète et définitive là-dessus, mais on sait que Triton est un corps capturé. On a quelques hypothèses et puis on y reviendra certainement un peu plus en détail tout à l'heure. Pour conclure un peu sur cet aspect historique, c'est l'observation de perturbations orbitales de Neptune qui va mettre les astronomes sur la piste d'une 9e planète. Pas tout à fait. Pas tout à fait, en fait. C'est plus le fait qu'il y a d'autres, en fait, objets transneptuniens. C'est-à-dire des objets comme Pluton et Eris et Makemake, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient des orbites qui n'étaient pas réparties de façon uniforme et qu'une des explications, c'est qu'il y ait une planète extrasolaire, enfin pas extrasolaire, une planète lointaine, une 9e planète. Mais en fait, contrairement à Neptune, la zone où, en fait, où on doit la rechercher, elle est énorme, quoi. Donc c'est une hypothèse et c'est beaucoup moins étayé, en fait, que ce qu'a fait le Verrier. En fait. Mmh. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que Neptune, actuellement, perturbe les planètes transneptuniennes. Donc Pluton, par exemple, est très fortement perturbé par Neptune, et l'ensemble des corps au-delà de Neptune, ce qu'on appelle les objets transneptuniens ou la ceinture de Kuiper, sont perturbés, et on retrouve dans cette ceinture de corps transneptuniens des tas de perturbations causées par Neptune, et les traces de ces perturbations nous donnent l'histoire du système solaire. Donc c'est intéressant de voir que Neptune a été trouvé grâce aux perturbations qu'il impose à sur Uranus. Et que maintenant, on retrace l'histoire du système solaire externe, c'est-à-dire des transneptuniens, grâce aux perturbations que Neptune a apportées sur les transneptuniens. Et donc, Neptune est très utile, finalement, puisqu'il se manifeste en perturbant Uranus, et il nous écrit un petit peu l'histoire du système solaire primitif, en imposant certaines, contraintes sur les orbites des planètes externes, qui ont été très fortement, la structure dynamique de ce système externe a été très fortement sculptée par la présence de Neptune. Et donc, c'est une sorte de témoin et qui nous indique ce qui s'est passé dans des temps très reculés, aussi bien par la capture donc de Triton, qui est un objet transneptunien, que sur les perturbations qu'il a apportées à ces objets lointains. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Nous parlons de Neptune tout au long de cette heure en compagnie de Bruno Sicardi et François Collat. Donc, à partir, on l'a dit, de cette observation après les calculs de Le Verrier, quand est-ce qu'on commence à avoir une carte d'identité à peu près précise qui commence à ressembler à celle que l'on a aujourd'hui, une carte d'identité à peu près fiable de Neptune, François Collat? La majeure partie des choses qu'on connaît de Neptune, en fait, c'est dû au son de Voyager, hein. Parce que du sol, en fait, on voit peu de choses, bien qu'on voit quand même plus de choses maintenant avec les télescopes modernes qui sont de plus en plus précis. Mais la majorité des choses vient de ces survols des sondes Voyager, hein. En particulier la surface, les nuages et maintenant on connaît un peu plus de choses, parce que maintenant avec les spectroscopes, on peut, et les gros télescopes surtout, parce que c'est un objet quand même pas très brillant, on peut arriver à mieux comprendre en fait la composition de l'atmosphère et sa variabilité. On va revenir tout à l'heure plus en détail justement sur ce qu'on sait de l'atmosphère neptunienne, notamment effectivement grâce à la spectroscopie. Peut-être qu'on peut faire simplement rapidement une carte d'identité en quelques mots, la masse, la gravité, la distance au Soleil, Bruno Sicardi. Quelles sont les principales caractéristiques que l'on connaisse de Neptune? Donc Neptune, donc, c'est une planète qu'on qualifie de planète géante. Une planète géante, c'est quelque chose qui est formé surtout d'hydrogène et d'hélium. Donc, comme Jupiter, Saturne, Uranus. L'hydrogène et l'hélium. Il y a également du méthane, alors qu'on avait déjà découvert avant les sondes Voyager grâce à la spectroscopie depuis le sol, qui fait à peu près 17 fois la masse de la Terre. Donc, comparé quand même à Jupiter qui fait plus de 300 fois la masse de la Terre, c'est une planète géante. C'est une demi-géante. Voilà, c'est ça. Mais on va voir que c'est intéressant dans la recherche, voilà. Notamment pour les exoplanètes. Autre chose intéressante, c'est la structure interne. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, évidemment. Personne n'est allé plonger dedans, heureusement d'ailleurs. Par contre, on ne connaît pas trop la structure. Est-ce qu'à l'intérieur de Neptune, il y a une planète glacée, une sorte de grosse planète type Terre, mais formée de glace? Est-ce que l'hydrogène et l'hélium va jusqu'au centre? Alors clairement, vu la densité de Neptune, ça ne peut pas être uniquement l'hydrogène et l'hélium, mais on se pose encore des questions sur la nature exacte de l'intérieur. Parce que la densité, on n'en a pas parlé, justement, on sait par exemple que Saturne est très peu dense, oui, mais Neptune, en revanche, est un peu plus dense. Oui, c'est 1,6, il me semble, de mémoire. Hein. Quoi qu'il en soit, ça ne peut pas être une planète uniquement formée d'hydrogène et d'hélium. Donc la chose intéressante, c'est qu'à l'intérieur de ce Neptune, et d'Uranus d'ailleurs aussi, il y a une autre planète, si on peut dire, une planète glacée, une sorte de Terre glacée, dont on ne connaît pas vraiment la masse, mais qui est en tout cas comparable à la Terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette planète glacée a crêté à un moment donné l'hydrogène et l'hélium? Est-ce que l'hydrogène et l'hélium s'est formé avec cette glace, et la glace à migrer vers le centre. Donc ça, c'est des questions intéressantes. Donc on n'a pas de réponse définitive là-dessus. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette idée d'avoir une planète centrale glacée entourée d'hydrogène et d'hélium. Une boule de glace dont on ne connaît pas exactement... Parce que quand on parle de glace, pour nous ici sur Terre, on pense à de la glace d'eau. Ce n'est pas du tout de la glace d'eau, a priori, François Collin. Non, puis surtout, c'est le fait qu'on ne voit que l'atmosphère. En fait, une atmosphère qui est opaque. Donc on ne voit pas le sol de glace ou comme sur un satellite de glace, comme les satellites de Jupiter, par exemple. Donc on pense à justement, principalement à cause de la densité qu'il y a de la glace, mais en plus à cause de la température qui est là-bas. Et donc, mais après, ça peut être de la glace, principalement de la glace d'eau quand même, hein, parce que c'est quand même l'eau, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est un élément très commun dans le système solaire, en fait. Dans l'univers en général, même. C'est la molécule la plus présente après l'hydrogène, en fait. Un mot peut-être sur Neptune. Est-ce qu'on parle de pour rebondir, on sait par exemple, on a fait des émissions ici même sur Jupiter et sur Saturne. On sait qu'on suppose qu'il n'y a pas de sol, qu'il n'y a pas de plancher. Est-ce qu'il y a une forme de condensation dure ou est-ce que c'est tout de même malgré tout une planète essentiellement gazeuse, François Collin? Ah ben non, il y a clairement quelque chose de dur. Il y a une surface, en fait, c'est clair. Il y a une surface. Ah, oui. Et d'ailleurs, à l'intérieur de Saturne, je peux dire aussi, bien que ça soit des gaz, à un moment donné, ça devient du métal. L'hydrogène métallique. Ouais. Donc je ne vous conseille pas de plonger l'atmosphère de Jupiter, parce qu'à un moment donné, ça va être très dense et très chaud. C'était pas dans mes projets immédiats. Et donc, quand on dit que c'est une planète gazeuse, et Jupiter ou Saturne, ça veut dire que quand on s'enfonce, on arrive à des densités énormes, et des choses qui peuvent arriver même à des phases métalliques. Donc, ce n'est pas un gage jusqu'au centre de la planète. Bien sûr, mais ça n'est pas ce qui se passe pour Uranus et Neptune, en l'occurrence. Non. Alors, sur Uranus et Neptune, on a cette idée que si on s'enfonce, à un moment donné, au lieu de rencontrer toujours hydrogène et hélium, on rencontre une surface, entre guillemets, disons, un corps solide, glacé, et que si on enlevait avec un gros ventilateur l'hydrogène et l'hélium, on trouverait à la place cette planète glacée. Que sait-on aussi, peut-être il faut préciser, que les durées de révolution, de rotation, tout ça est un peu particulier, Bruno Sicardi? La révolution de Neptune autour du Soleil, c'est combien de temps? C'est 156 ans, je pense. 164. 164, allez. On va pas se disputer pour Uranus, c'est 84. Et donc Pluton, c'est 248. Alors, vous me dites combien on s'est arrêté à 164? De mémoire, c'est 164. Je vais retrouver ma fiche tout de suite et je vais vous le dire de manière précise. Ceci dit, ces périodes sont données simplement par les lois de la mécanique céleste. Il n'y a rien de mystérieux au fait que ça soit 160 années et quelques. Donc c'est simplement à la distance du Soleil, d'après ce qu'on appelle les lois de Kepler, qui imposent cette durée. Et plus on s'éloigne du Soleil, évidemment, plus la période augmente. Et donc, comme je disais, Pluton, c'est quasiment 250 ans. C'est uniquement la masse du Soleil et la distance au Soleil. Et la distance héliocentrique. La période de rotation, en revanche, les journées sont assez courtes, des journées de 16 heures seulement. Comme ça, c'est assez classique pour toutes les planètes géantes. Ils ont à peu près la même période de rotation, en fait. À ceci d'intéressant, comme toutes les géantes gazeuses, qu'il y a une rotation différentielle, c'est-à-dire que les journées entre guillemets n'ont pas la même durée en fonction entre le pôle et l'équateur. Oui, mais ça, c'est l'atmosphère, en fait. Sur la Terre, c'est un peu pareil. En fait, le vent, si vous regardez la vitesse du vent, c'est un peu différent. Et donc, après, le sol, lui, il tourne à une certaine... Et puis, un truc qui est aussi important, c'est sur Vénus, en fait, on voit vraiment aussi que l'atmosphère, et on voit qu'il y a ce qu'on appelle la super-rotation de Vénus, qui est beaucoup plus importante que la rotation elle-même de la planète Vénus. Ceci dit, les rotations des planètes gazeuses, c'est intéressant, puisque là, on parle des atmosphères de Vénus. Là, on parle de l'ensemble de la planète. Et donc l'atmosphère de Neptune tourne de manière différentielle, mais à l'intérieur aussi, il y a des mouvements de torsion. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas vraiment. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Est-ce que ces planètes tournent à un moment donné comme un seul bloc? Ou est-ce que cette rotation différentielle va jusqu'au centre de la planète? Donc ensuite, c'est l'hydrodynamique de haute volée. Là. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'accès vraiment direct. Et donc, on espère avoir des données de l'extérieur, mais indirectes. Donc, c'est un problème difficile, en tout cas. Et d'ailleurs, qui se repose pour les étoiles aussi. Est-ce que les étoiles tournent d'un bloc ou pas? Est-ce que le Soleil, comment se fait la rotation du Soleil? Bon, on apprend de plus en plus de choses là-dessus, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à déduire. François Collin? sur cette question. Non, mais c'est d'autant plus intéressant qu'on pense qu'il peut y avoir un lien justement entre ces effets de torsion et de rotation de liquide et la magnétosphère de Neptune. Après, ce qu'on voit dans les planètes géantes comme Jupiter, en fait, c'est la rotation du champ magnétique. Mmh. Et ça, on sait que c'est vraiment l'intérieur de la planète, en fait. Donc ça, c'est vraiment. Et même ça, c'est pas très bien compris. Même ça, c'est. C'est-à-dire qu'il y a pas de il y a des variations de période du champ magnétique qui indiquent que même profondément dans ces planètes géantes, il y a des choses compliquées et que. On a des rotations différentielles, même profondes, dans la planète. Donc, c'est pas quelque chose qui est simple, ça que je veux dire. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est très différent, en tout cas, du champ magnétique terrestre, dont on connaît la mécanique. C'est une dynamo de métal dont on connaît. On en a parlé ici. On en connaît les grands mécanismes, en tout cas. C'est un mécanisme de dynamo de métal en fusion au sein du noyau qui crée un champ magnétique. Les grandes lignes, on connaît. Les grandes lignes, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, a priori, ma question est la suivante. Est-ce que la production du champ magnétique de planètes comme Neptune ou Uranus, parce que Jupiter et Saturne sont encore pas différents, c'est vraiment un mécanisme totalement différent du champ magnétique terrestre, ou est-ce qu'il y a des points communs? C'est différent parce que la Terre a un manteau avec, comme vous disiez, du métal liquide qui bouge. Il n'y a pas de métal liquide chaud dans ces planètes-là. Donc, ce sont des mouvements, mais d'autres systèmes de génération de champs magnétiques. Alors, je ne suis pas spécialiste des champs magnétiques des planètes géantes, mais quoi qu'il en soit, la structure même des planètes géantes comparée aux planètes telluriques comme la Terre donne des origines complètement différentes. On peut dire un mot, alors aussi, dans les révélations successives autour de Neptune. On a dit qu'on a découvert son principal, son plus gros satellite Triton assez rapidement après avoir observé la planète elle-même. On a petit à petit découvert le reste des satellites de Neptune. Il y en a 14, c'est cela? Oui, il y a toute une carrière de petits satellites. Il y en a des très lointains qu'on découvre petit à petit aussi, qui sont des satellites capturés, mais disons qu'à l'intérieur, il y a... En fait, ce qui se passe, c'est qu'à mesure qu'on se rapproche de Neptune, on voit des satellites de plus en plus petits parce qu'il y a des effets de marée de plus en plus forts. Et donc, les gros satellites sont brisés petit à petit. Et donc, ensuite, on rentre dans une zone où on a un mélange de ces petits satellites et des anneaux. Mmh. Et ensuite, quand on rentre trop profond dans ce qu'on appelle cette limite de Roche, qui est la limite où les effets de marée deviennent importants, à ce moment-là, on trouve que des anneaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des systèmes apparemment relativement instables, ces satellites. Donc, en particulier pour Uranus, qui a aussi cette collection de petits satellites près de la planète, qui entourent les anneaux, qui sont proches des anneaux. En fait, on s'aperçoit que les temps de vie de collision entre les satellites est assez court. Et donc, ce n'est pas des systèmes immuables et sur des échelles de temps assez courtes. Ces satellites aux orbites qui se croisent, qui se détruisent, qui reforment d'autres satellites. En fait, contrairement à notre Lune qui est stable sur des milliards d'années, c'est une collection de petits satellites qui avec accrétion, destruction. Et donc c'est un système évolutif. Par rapport à Triton, ils sont tous à l'intérieur de l'orbite de Triton. En fait, il y a très peu, il y a Néréide qui est à l'extérieur, en fait, mais c'est un cas particulier. Donc il faut bien voir ça, je pense, comme des systèmes dynamiques qui évoluent. Donc si vous revenez dans 500 millions d'années, vous observeriez pas forcément les mêmes satellites. Alors il y a toujours des petits satellites. Certains seront peut-être brisés, ont formé des anneaux, d'autres sont réaccrétés en satellites, etc. Donc il faut pas avoir cette idée de système où on dit aujourd'hui il y a 14 satellites. Il y a 14 lunes et puis c'est. Et dans, c'est, 14, ouais, dans anneaux, 500 millions d'années, il n'y en aura peut-être plus que 9. Alors on va reparler des anneaux dans un instant. Ouais. Quand on parle de petits satellites, François Collas, c'est quelle est la taille approximative de ces objets? Bah après, il y a une espèce de continuum, justement, entre les anneaux, c'est des petits cailloux, des petits glaçons, et puis les gros satellites comme Triton. Après, donc, les plus petits, là, on parle de quelques dizaines de kilomètres, en fait. Là. Oui, c'est cela. En fait, ensuite, c'est limité par les pouvoirs de détection, aussi bien de la sonde Voyager, lorsqu'elle est passée, que depuis le sol. Donc, on arrive à la fin à détecter des corps de l'ordre de 10 kilomètres de diamètre. Et si on n'en a pas connu d'autres plus petits, c'est parce qu'on n'a pas pu les voir, probablement. Mais il y en a probablement, comme dit François, un continuum de cordes de plus en plus petits qui arrive à la fin à des gros glaçons, effectivement, qui forment les anneaux. Mais là, par contre, il y en a des milliards et des milliards. Enfin, je veux dire, un nombre énorme qui forme une collection et cette collection s'appelle un anneau. Alors, justement, parlons des anneaux. À partir de... On commence à suspecter leur existence à la fin des années 60. C'est plus ou moins un bonus gardien un peu plus tard. Non, enfin, les années 60, on voit une planète, on voit Triton autour, Néride, puis c'est tout. Mmh. Donc on se dit, Uranus a des... Saturne a des anneaux. Ensuite, on a découvert des anneaux autour d'Uranus. Et donc, du coup, on a dit, il y en a peut-être autour de Neptune. Donc, les anneaux d'Uranus, c'est 77, hein. Oui, c'est par occultation. Donc, nous avons observé, donc, en 1984, une occultation d'une étoile. Donc, il y avait... c'était au Chili. Donc, d'un côté, une équipe américaine avec Bill Hubbard et ses collègues. Et puis, en France, il y avait donc Françoise Roch, André Brahic, moi-même. Et donc, on a vu un événement lors de ce qu'on appelle une occultation stellaire où Neptune est passé devant une étoile et on voulait étudier l'atmosphère de Neptune. Donc, comment l'étoile disparaît progressivement à l'atmosphère. On s'est aperçu qu'avant l'occultation par Neptune, l'étoile a disparu derrière quelque chose, que ce quelque chose n'était pas opaque, était semi-transparent. Et nos collègues américains à 100 km ont vu la même chose. Par contre, de l'autre côté, on n'a rien vu. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être un anneau continu, puisqu'on aurait dû voir de manière symétrique cet anneau de nouveau, l'étoile aurait dû redisparaître. Donc on a appelé ça des arcs. Et en fait, ça a été très riche en enseignement. Donc ça a été un peu un hasard, hein. Ça a été comment dire, la sérendipité, si on peut dire. Mm-hmm. Donc on a découvert cet arc, qui sont des arcs en fait. Et il y a toute une série de mécanismes fondamentaux de mécanique céleste. Comment est-ce qu'on peut confiner des anneaux sur un intervalle fini, angulaire? Donc en gros, ils sont confinés dans une zone d'une quarantaine de degrés, alors qu'ils devraient complètement s'effilocher en quelques mois. Mmh. Donc après, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait ça et qu'est-ce qui permet de comprimer du matériau radialement, mais aussi de manière angulaire? Est-ce que c'est une route de formation vers des satellites? Donc vous voyez qu'une observation qui a été complètement une coïncidence finalement, s'est avérée fondamentale au point de vue de la formation de satellites autour d'une planète. Autrement dit, comment un anneau réagit? Alors, il se trouve que probablement ce confinement angulaire est dû à des petites lunes, une en particulier qui s'appelle Galatéa, mais on ne comprend pas encore vraiment complètement ce mécanisme. Et comment ce matériau peut être maintenu? Alors est-ce qu'il va ensuite se défaire? Est-ce que ce confinement va aboutir à la fin à la formation d'un nouveau satellite de Neptune? Alors là, on n'a pas les échelles de temps nécessaires pour nous le savoir. Ces arcs ont été stables sur une trentaine d'années maintenant, mais on voit qu'ils ont évolué, certains ont disparu, d'autres sont toujours là. Est-ce qu'un jour, ça va devenir des satellites? Et donc après, on a, pour rebondir là-dessus, observé plus récemment d'autres occultations stellaires par d'autres objets. On a découvert des anneaux autour d'un objet transneptunien qui s'appelle Haumea, qui vient d'être donc une découverte qui a été publiée dans Nature le mois dernier, et qui montre qu'il y a un anneau autour d'une planète qu'on appelle Haumea, une planète naine, qui est au-delà de Pluton, mais qui est quasiment aussi grosse, dans son plus grand diamètre en tout cas, et qui est entourée d'un anneau. Qui a été une surprise. Et de nouveau, ça a été une occultation qui a permis de montrer cela et qui est complètement une coïncidence, puisqu'on cherchait à étudier à Haumea, on a trouvé cet anneau. Donc, c'est-à-dire que probablement, on va découvrir de plus en plus d'anneaux autour de ces corps-là, qui sont beaucoup plus petits que les planètes géantes, mais qui sont quand même des anneaux. Donc, ça veut dire que le fait d'observer permet de découvrir des choses qui ensuite se retrouvent sur d'autres planètes, d'autres petits corps, qui pose elle-même, donc c'est découvert, des nouveaux problèmes de mécanique céleste, de formation de corps. Donc vous voyez qu'il y a un rebond permanent en science entre ce qu'on observe, ce qu'on découvre, ce qu'on essaie d'expliquer. Et visiblement, la nature a énormément d'imagination. Nous, on essaie de suivre. Donc on dit à un moment donné, on a vu ceci, on peut l'expliquer. Et tiens, c'est probablement les seuls anneaux qui peuvent exister. Et puis d'un coup, on en découvre un autour d'Haumea. Après, on en a découvert un autour d'un astéroïde qui, de nouveau, pose d'autres problèmes. Ceci dit, en fait, on a fait beaucoup d'occultations d'astéroïdes et d'objets transneptuniens. Et en fait, il y a quand même peu d'anneaux. Donc, c'est quand même des objets très rares. C'est relativement rare. Il y a une petite controverse. Les objets transneptuniens, on n'a pas observé énormément encore. On a observé une demi-douzaine. Et sur une demi-douzaine, on en a vu deux ou probablement trois autour desquels il y a des anneaux. Ce qui est certain, c'est qu'on sait que ces systèmes-là sont incroyablement dynamiques. Même sur les anneaux qu'on a observés récemment, qu'il s'agisse de la mission Cassini de Saturne ou de Juno sur Jupiter, on se rend compte qu'effectivement, ce sont des systèmes très dynamique avec accrétion, désagrégation, que ce sont des choses qui, en tout cas, des objets qui sont soumis à beaucoup de variations. Ce qui est fantastique, c'est qu'on est très loin du Soleil, donc en fait, la gravité du Soleil est très très faible à cette distance, et en fait, c'est encore des objets très actifs, en fait, c'est ça qui est étonnant, parce qu'on pourrait penser que, voilà, on est loin du Soleil, et il ne se passe rien, tout est gelé, c'est ce qu'on qu'on pensait avant, en fait. Hein. Tout est gelé, tout n'est que glace, et finalement, non. L'atmosphère de Pluton est très active, par exemple. Oui, on en a eu l'aperçu grâce à New Horizons récemment. Peut-être un mot encore sur aujourd'hui, la forme actuelle des anneaux de Neptune. On en dénombre combien? Parce qu'on dénombre des anneaux et des arcs, ça n'est pas tout à fait la même chose. Bruno Sicardi. Donc, initialement, en 1984, on a vu quelque chose qu'on appelait un arc. Ensuite, donc, ceci a permis de préparer la mission Voyager en disant, on sait qu'il y a quelque chose, donc la mission Voyager a dit, on va observer. Donc déjà, il faut voir que c'est complémentaire d'observer depuis le sol et depuis l'espace, que le fait de savoir des choses depuis le sol permet de préparer des choses une fois qu'on est dans l'espace et qu'on va vers un objet. Donc ça a été reprogrammé pour observer l'environnement de Neptune, et on a vu qu'il y avait 4 arcs, qui ont expliqué a posteriori ce que nous avions découvert. Et ces arcs ont évolué pour l'instant, et actuellement il en reste en fait 2. Deux de ces 4. Pourquoi ? Donc ça, on ne sait pas trop. Pourquoi ils évoluent ? Est-ce que c'est de la poussière qui s'est réaccrétée sur des corps qu'on ne voit pas ? Est-ce que cette poussière est partie ? Est-ce que c'est une évolution à long terme ou c'est quelque chose de purement local ? C'est-à-dire que si on les réobserve dans 10 ans, on va de nouveau en voir 4, etc. Mm. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut connaître en détail. On a aujourd'hui, François Collat, une idée de la composition de ces anneaux de Neptune, ou est-ce que c'est très très obscur ou très flou ou très sujet à controverse ? C'est principalement dans la glace, en fait, c'est ce qu'on voit, en fait, hein, dans les anneaux de Saturne, par exemple, c'est ça. Hein, c'est à ces distances-là, en fait, il y a beaucoup de glace, en fait. Sauf qu'ils sont beaucoup moins propres. Hein, ouais. Ils sont plus sombres, ils sont beaucoup plus obscurs. Obscurs, oui, ils sont sombres, donc c'est-à-dire, c'est plutôt l'aspect du charbon, je dirais, que les anneaux de Saturne, qui sont la glace propre. Donc si vous mettez une particule d'anneau de Saturne ici dans le studio, on verra une sorte de glaçon brillant. Alors que du matériau des anneaux de Neptune, ça paraîtra plutôt comme de la cendre, je dirais, la cendre volcanique. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de glace. Hein. Mais on ne voit pas le motif, disons, de la glace dans les spectres pour l'instant. Alors, c'est moins réfléchissant. Oui, en tout cas. Mais il n'y a pas eu de spectre très bon pris jusqu'à maintenant. Est-ce que le télescope James Webb va pouvoir faire des spectres Le remplaçant de Hubble qui va être lancé dans l'année prochaine. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu de glace, en tout cas, dans la composition des anneaux de Neptune. Mais on en a vu, par exemple, dans ce petit astéroïde qui s'appelle Chariclot, autour duquel on a découvert un anneau il y a 4 ans, qui est entre Uranus et Saturne, et on a vu de la glace dans cet anneau de ce petit corps. Un mot pour parler maintenant de cette mission Voyager 2 qui survole Neptune en 1989. Alors à part les photos de Hubble, ce sont aujourd'hui les photos, quand vous cherchez des images de Neptune, ce sont ces photos-là que l'on trouve. Quels sont les enseignements principaux de ce survol de Voyager 2, Bruno Sicardi? Quelles sont les images, les premières images? Quelles sont les surprises aussi que recèlent ces premières observations photographiques? Pour l'atmosphère, on a vu beaucoup d'une atmosphère dynamique. Il y avait des sortes de cyclones, il y avait des nuages donc de méthane en altitude, plus des taches, un peu comme la tache rouge, sauf que ça ne sont pas rouges, mais des cyclones, donc des sortes de tempêtes dans l'atmosphère de Neptune. Donc ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de Neptune une source d'énergie qui permet d'avoir à la surface des tourbillons. Alors, il se trouve que maintenant, avec les progrès de l'imagerie, on arrive à avoir des images résolues du disque de Neptune et de suivre ces tempêtes, même maintenant. Parce qu'on a fait des progrès depuis 30 ans sur l'imagerie au sol. Ensuite, l'autre enseignement, ça a été la découverte de cette kyrielle de petits satellites, qui sont très difficiles de voir depuis la Terre, quoi, depuis on a vu, sur les anneaux évidemment, puisqu'on a vu la structure des arcs. On a vu qu'il y avait, à part les arcs, d'autres anneaux très diffus qu'on ne pouvait pas voir par occultation. Et ensuite, il y a eu des choses sur le champ magnétique interne de Neptune et sur la surface de Triton. Un des gros morceaux était le survol de Triton qui est très actif, qui a des geysers, qui a une atmosphère, qui a de la brume, etc. On reparlera plus en détail de Triton. Ouais. Pour la petite anecdote, on peut dire que sur l'anneau Adams, qui possède 4 arcs, les arcs sont intitulés, leur nom, liberté, égalité, fraternité. Et courage. Et courage, parce qu'on en avait vu 3 qu'au départ. donc Courage et Liberté ont disparu. Donc eh bien, il reste la Fraternité. Fraternité. Ouais. Un mot François Collat, tout de même sur les enseignements de Voyageurs 2, sur ces premières et seules images, parce que Hubble a notamment photographié plusieurs fois Neptune en 94, mais la meilleure résolution, les images les plus célèbres de Neptune sont celles de Voyageurs 2. Ce qui m'impressionne le plus maintenant, c'est les images qu'on fait maintenant au sol avec les télescopes et les optiques captatives. En fait, on voit vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc, on suit vraiment bien, justement, ces structures nuageuses qui arrivent. On fait un peu comme ce qu'on fait sur les planètes géantes, pratiquement de la météorologie. On essaye de comprendre ce qui se passe dans cette atmosphère. Et on a des... Bon, c'est pas aussi bon que ce qu'a fait Voyager, mais on est plus très loin, en fait. Hein. Je suis pas d'accord. Hein. J'ai vu récemment des images prises en optique adaptative par le Very Large Telescope, l'Observatoire européen austral, le VLT, avec un instrument qui s'appelle Sphère, une caméra d'optique adaptative sur des images de Neptune. Et en fait, quand vous voyez une image de Neptune prise avec Sphere, vous avez l'impression de voir une image prise par Voyager. On va vous mettre ces images prises par le VLT sur le Twitter de l'émission, parce que c'est vrai qu'elles sont très impressionnantes. Ce que je veux dire, c'est qu'il il faut bien être conscient que Voyager, c'est la technologie des années 70. Oui. Et qu'actuellement, on est au sol avec des télescopes de 8 mètres, bientôt de 40 mètres, l'optique adaptative. Et donc, on a actuellement sur Neptune des images qui sont équivalentes à certaines des images de Voyager. Mais surtout, ce qui est important aussi, ce qui est important en astronomie, c'est pouvoir suivre les objets, en fait. Et c'est vrai que Voyager a ouvert des portes, hein, c'est clair. On a vu plein de choses nouvelles, mais après, il est juste passé. On a une image à l'instant T. Et ce qui est vraiment important, c'est pouvoir suivre tout au long de sa vie, voir ce qui se passe, essayer de comprendre la dynamique. Et, dynamique, c'est-à-dire les choses qui bougent. Donc, une image fixe, on n'en fait pas grand-chose, quoi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Neptune owns your desire. Then I will bring it on sideways. Yeah, I ride a seahorse through your water. Broken in wildly, because yes, you've been everything. No, if only this dream wouldn't be so hard. Oh, oh, oh. If only I could see ya. This dream wouldn't be so very hard. This dream wouldn't be so very hard. bientôt 16h35. Vous écoutez France Culture, la méthode scientifique, Neptune de Kezia Jones, puisque nous parlons de la huitième et dernière, jusqu'à preuve du contraire, planète de notre système solaire. Nous en parlons avec Bruno Sicardi, qui est professeur à l'UPMC, chercheur à l'Observatoire Paris-Meudon, et François Collat, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Alors, s'il n'y a certes que la sonde Voyager 2, comme on vient de le dire, qui est passée à proximité de Neptune, il est malgré tout possible d'observer la planète depuis la Terre, ce qui n'est certes pas chose aisée, mais qui est chose tout de même de plus en plus aisée, comme on vient de le dire. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Observatoire de Meudon pour comprendre comment on peut observer Neptune par spectroscopie. Oui, la spectroscopie, c'est l'étude du rayonnement émis par un corps. On peut connaître la composition chimique d'objets très éloignés à partir de la lumière qu'ils nous renvoient. Emmanuel Lelouch, astronome au LESIA, a ainsi pu mettre en évidence des proportions en gaz présentes dans l'atmosphère de Neptune et de Triton. Et avec cette approche, son équipe a même pu postuler l'impact de comètes qui, régulièrement, viennent enrichir l'atmosphère. Je travaille sur le système de Neptune, à la fois sur le satellite Triton et aussi sur la planète elle-même Neptune. Et donc mon outil de travail principal, c'est la spectroscopie, donc l'analyse du rayonnement en fonction de la longueur d'onde. Et en particulier, lorsqu'on prend un spectre, on observe des signatures spectrales, c'est-à-dire des raies qui apparaissent soit en émission, soit en absorption, suivant les conditions physiques. Et ces raies spectrales sont diagnostiques en fait, de la composition chimique, de tel ou tel élément chimique, en général sous forme moléculaire, présent à la surface ou dans l'atmosphère de la planète. Et donc, à partir des analyses de spectre, on peut non seulement identifier qualitativement les molécules, mais également mesurer leur abondance. Et une autre application de la spectroscopie, c'est qu'elle permet de déterminer également les conditions de température dans l'atmosphère, c'est-à-dire de remonter au profil, comment varie la température en fonction de la pression dans l'atmosphère. Donc il y a le double aspect, sondage chimique et sondage thermique. Sur Neptune, qu'est-ce qu'on sait de la composition de son atmosphère? On sait qu'il y a des gaz comme l'hélium, l'hydrogène, le méthane. Oui, alors en plus des gaz que vous avez cités, donc, on sait qu'il y a des produits de la chimie du méthane, par exemple, on sait qu'il y a de l'acétylène, de l'éthane et d'autres gaz qui dérivent du méthane. Mais également, il y a d'autres gaz comme le monoxyde de carbone, CO, donc l'acide cyanhydrique, HCN, qui ont une origine qui n'est pas très bien comprise. Et en fait, dans ce contexte-là, on a récemment obtenu une observation de Neptune avec l'interféromètre ALMA, donc dans le domaine submillimétrique, qui nous a permis de découvrir une nouvelle molécule, qui est le monosulfure de carbone, donc CS, donc c'est CO dans lequel l'oxygène est remplacé par du soufre. Donc c'est un travail que j'ai fait avec un collègue ici, Raphaël Moreno, et qui en fait nous donne une nouvelle idée sur l'origine du monoxyde de carbone dans l'atmosphère de Neptune. En effet, ça peut être étonnant de voir que Neptune, qui est une atmosphère essentiellement d'hydrogène et donc de méthane, a quand même des composés oxygénés comme le monoxyde de carbone. Et en fait, une idée qu'on a eue déjà il y a une dizaine d'années, c'est que le monoxyde de carbone pourrait en fait, dans l'atmosphère de Neptune, avoir été déposé par l'impact d'une comète. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de rechercher le soufre par le monosulfure de carbone, parce que donc dans les années, en 1995 exactement, une comète était tombée sur Jupiter, et suite à cet impact qu'on avait pu observer en direct, on avait détecté de nouvelles espèces dans l'atmosphère de Jupiter, dont CO, HCN, CS. Donc quand il y a une dizaine d'années, on a eu l'intuition que peut-être ce monoxyde de carbone venait d'un impact cométaire, un énorme impact cométaire, peut-être une comète de 2 ou 3 km qui serait tombée sur Neptune il y a plusieurs centaines d'années, eh bien on s'est dit que si cette hypothèse était la bonne, alors on pourrait chercher d'autres espèces qui auraient pu être déposées par cet impact. Alors, vous dites plusieurs centaines d'années, c'est très récent alors? Alors plusieurs centaines d'années, oui c'est récent, ou peut-être plusieurs milliers d'années, c'est difficile à chiffrer. En fait, la statistique, on peut avoir une idée des taux de chute de comètes dans les planètes extérieures, en fait, à partir des populations de petits corps qui orbitent autour. Et on estime, par exemple, que pour une comète de plusieurs kilomètres, elle doit en tomber statistiquement tous les quelques milliers d'années. Là, ça pourrait être un peu plus récent, mais disons que statistiquement, ce n'est pas absurde. Assez régulièrement, des comètes, des corps extrasolaires viennent enrichir un peu la composition. Absolument. De l'atmosphère. Exactement, l'atmosphère est enrichie en permanence par ces impacts cométaires, alors qu'ils peuvent être plus ou moins gros. Donc parfois, l'enrichissement va être indécelable. Mais par contre, l'aspect intéressant, c'est que ces nouvelles espèces chimiques qui sont déposées peuvent avoir une durée de vie dans l'atmosphère qui peut être relativement longue, qui peut se chiffrer en dizaines d'années ou en centaines d'années. Donc on a un rangissement qui va se voir pendant assez longtemps. Donc là, c'est cette observation de la molécule CS observée par l'interféromètre ALMA. Donc on voit ici une raie en émission à la fréquence qui correspond à cette molécule CS, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur l'identification. On voit ici une raie étroite en émission, et ça veut dire qu'on peut prouver que du coup cette molécule est présente dans l'atmosphère supérieure de la planète, plutôt donc dans ce qu'on appelle la stratosphère, à des pressions de l'ordre du millibar ou même moins que le millibar. Donc ça prouve, puisque c'est une molécule présente dans la haute atmosphère, qu'elle a une origine externe, ce qui convient bien avec l'idée de l'impact cométaire. Donc ça, c'est un exemple de spectroscopie dans le domaine submillimétrique. Et puis un autre exemple que je vais vous montrer, qui correspond à un travail que j'avais fait il y a un peu moins de 10 ans maintenant, en 2010 exactement, la détection du monoxyde de carbone, cette fois, dans l'atmosphère de Triton. Donc Triton a une atmosphère très ténue. Ici, en spectroscopie, et c'est dans l'infrarouge, on va mesurer les gaz. Donc Triton, c'est une atmosphère d'azote, principalement, mais il y a également des gaz minoritaires, qui sont le méthane et le monoxyde de carbone. Et là, donc, avec cette observation qui utilisait le VLT, donc en 2009-2010, on avait pu pour la première fois montrer qu'il existe du monoxyde de carbone dans l'atmosphère de Triton, et on le voyait très clairement par finalement les raies d'absorption qu'on avait observées dans le spectre. Donc c'est vrai pour aussi bien Pluton que Triton. C'est une atmosphère qui est produite par la sublimation des glaces qui sont présentes en surface. Donc ces deux objets, Triton et Pluton, c'est un équilibre de pression de vapeur entre, donc, puisqu'à chaque fois que vous avez une glace, il y a une partie de la glace qui se met en équilibre avec l'atmosphère et qui produit donc une atmosphère ténue. Et alors l'intérêt, c'est que puisque Triton a des saisons, et donc on s'attend à ce que ces atmosphères varient avec la saison. Et c'est l'objectif du suivi temporel de ces atmosphères par occultation, c'est de voir comment la pression va évoluer au cours de l'année sur Triton ou sur Pluton. Et là, donc cette observation que j'avais faite donc en 2010 sur le monoxyde de carbone et également le méthane était un peu une première, mais j'espère pouvoir la répéter dans le futur pour voir si ces gaz eux-mêmes varient avec le temps. Voilà l'observation de Neptune par spectroscopie et ses enseignements vus depuis la Terre. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Bruno Sicardi, François Collard, Bruno Sicardi ? Oui, mais je vais rebondir sur Triton, puisque en fait, on observait il y a un mois et demi maintenant une occultation stellaire par Triton. Et c'est la première favorable depuis une vingtaine d'années. La dernière avait été observée en 1997. Et l'un des buts de cette occultation est de voir l'évolution de son atmosphère, sachant que Triton a des saisons très violentes. Qu'on s'est entendu que dans les années 2000, il y a eu un maximum de pression atmosphérique. Et donc, ce qui est intéressant d'autre part, c'est que cette occultation a été observée en Europe essentiellement. Il y a plus de 100 stations, dont la plupart étaient amateurs en fait. Donc, il y a des gens en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France, en Espagne, en Tunisie, au Maroc. Il y a eu Tenerife, il y a eu également. Algérie. Mmh. Et donc tous ces gens-là se sont mis ensemble pour ce soir-là observer. Moi j'étais au Val d'Aoste, donc un peu au sud du massif du Mont-Blanc. François Collard était au Pic du Midi. Mais il y a une centaine de stations et on a recueilli à peu près 70-75 détections de cette occultation qui va permettre de reconstituer la structure globale de l'atmosphère de Triton et de comparer la pression, la température à ce qui avait été observé par Voyager en 89. Donc, il semblerait par exemple qu'actuellement les premiers résultats montrent que la pression à la surface de Triton est un peu augmentée depuis 89. Et ceci est à comparer maintenant avec des modèles saisonniers qu'on a, puisque cette atmosphère est très bizarre. Elle réagit violemment au changement de température. Sur Terre, les variations de pression sont de l'ordre de 5%. Là, on est en train de parler de 30-40%. Donc c'est comme si vous disiez l'anticyclone va arriver, la pression va augmenter d'un facteur 2 sur Terre. Ça ne se produit pas, donc ce serait énorme. Alors que sur ces atmosphères, aussi bien de Triton que de Pluton, on a des cycles saisonniers beaucoup plus violents. Et le but de ces observations est de suivre cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel de ces observations ont été faites par des amateurs. Donc, c'est un bel exemple de science collaborative, participative, où les gens observent et ont des résultats scientifiquement pointus. et exploitable par... Et c'est pas simplement prendre des belles images, c'est donner des résultats qui scientifiquement sont intéressants. Je pense que je vais rebondir là-dessus. En fait, par exemple, ce que dit Emmanuel Lelouch sur les impacts de comètes sur Neptune, en fait, quand il y a un impact sur une planète géante, comme sur Jupiter, par exemple, on en voit relativement souvent, et finalement, ceux qui les observent, ce sont les amateurs, parce qu'en fait, on a des très gros télescopes, mais il y a une pression énorme là, sur ces télescopes. Donc, par exemple, Neptune, pour les utiliser, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés tout le temps, il faut se battre. Neptune qui fait des images fantastiques avec sphère ou VLT, en fait, il n'est même pas observé tous les ans. Donc en fait, s'il arrive une comète, on ne le saura pas. Et donc finalement, la seule chose qui est possible, c'est les amateurs avec des télescopes relativement modestes. Et maintenant, avec des caméras qui sont modernes et qui sont vraiment de très bonne qualité, arrivent à faire ce suivi. Et finalement, les lanceurs d'alerte, ce sont les amateurs qui permettent de dire, voilà, il y a une comète qui tourne quelque chose. Et à ce moment-là, nous, on le sait, et on peut reprogrammer les gros télescopes pour ce genre de choses. Et c'est vraiment un lien qui est important et qui est fantastique. Et on a besoin de ça, vraiment. Donc il faut vraiment... insister sur le fait qu'on a besoin de petits télescopes et pas que un énorme pour toute la planète. Quoi. Et on va vous remettre, on a déjà remis le lien vers l'émission qu'on avait faite, qu'on avait consacrée justement aux télescopes et aux nouveaux télescopes nouvelle génération. On va remettre sur Twitter aussi le lien vers l'émission que nous avions faite sur la science participative où on expliquait effectivement, entre autres, justement l'intérêt de l'observation amateur de l'espace pour aider l'astrophysique. J'aimerais qu'on revienne tout de même un peu sur l'atmosphère de Neptune, parce qu'il reste encore, on l'a entendu, un certain nombre de doutes quant à sa composition. J'aime bien l'idée qu'il plane toujours un doute sur la raison de la couleur de la planète. Bruno Sicardi, on ne sait pas ce qu'il donne. Ça n'est pas un doute, c'est plus que ça. Non, je pensais que c'était justement, on le savait plus ou moins. Ah. C'est que, bon, c'est bleu. Si vous regardez dans un petit télescope, Neptune, c'est une couleur bleutée. C'est magnifique. Hein. C'est un bleu profond. Un petit bijou, si vous voulez, dans le ciel. En particulier, s'il y a des étoiles un peu rouges autour, vous voyez, ça fait un spectacle assez joli. Mais en fait, il y a du méthane dans l'atmosphère de Neptune, et le méthane absorbe dans le rouge. Et donc, si vous absorbez dans le rouge, ce qui est renvoyé par la planète va apparaître plus bleu. Et il y a en plus ce qu'on appelle la diffusion dans l'atmosphère de Neptune. Et cette diffusion également favorise le bleu, un petit peu comme le bleu du ciel sur Terre. Donc, l'aspect bleuté est essentiellement lié à de la diffusion de la lumière par la molécule d'hydrogène, mais également par le fait qu'une partie est absorbée dans le rouge à cause du méthane. Alors, j'ai lu que si c'était le seul métal qui absorbait justement le rouge, ça donnerait une couleur qui serait celle d'Uranus et qu'on n'avait pas tout à fait la compréhension de ce bleu profond et non pas de ce bleu vert qui est celui d'Uranus et qui est pour le coup le spectre d'absorption du méthane. Oula, c'est trop compliqué pour moi. François Collat. Après, les bandes d'absorption du méthane sont plus ou moins larges en fonction de la pression, de la température en fait, du méthane. Donc en fait, ça, c'est un peu variable d'une planète à l'autre. En fait, les bandes d'absorption du méthane, on a ça aussi sur Jupiter et Saturne, mais sont beaucoup plus étroites en fait que sur Neptune et Uranus, ce qui fait qu'en fait ça interfère moins sur la couleur de Jupiter et de Saturne que sur les planètes glacées comme Neptune et Uranus. On peut dire aussi un mot, parce qu'on on l'a évoqué assez rapidement sur les images de Voyager, on a vu, il y a des grandes taches sombres, enfin il y en a une grande et une petite qui ont disparu depuis, il y en a une autre qui s'est reformée. On voit que l'atmosphère de Neptune est extrêmement dynamique, elle a aussi beaucoup plus dynamique que celle d'Uranus, qui est très uniforme. Est-ce qu'on a un début d'explication à ça? Non, ou pas il y a eu tout des tempêtes d'Uranus. Uranus aussi, oui, des tempêtes. Après, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on n'a pas beaucoup de résolution, on se dit, tiens, on voit une bille sans trop de détails à la surface. Puis en fait, quand on a une meilleure résolution, on voit que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pareil, par exemple, pour Saturne et Jupiter. Jupiter apparaît tout de suite beaucoup plus dynamique, parce qu'on voit plein de choses. On voit la tache rouge, on voit des bandes, on voit plein de choses. Alors que sur Saturne, c'est moins évident. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est un peu l'atmosphère haute qui masque en fait ce qui se passe dessous et qui est plus turbulent en fait. Et là c'est un peu pareil en fait. On a cette espèce de chape un peu de méthane qui est autour d'Uranus et Neptune. En fait elle cache un peu ce qui se passe dessous. Mais il y a beaucoup de thermodynamique et de choses complexes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que comme disait François, on observe Uranus et Neptune, on l'a observé en passant avec Voyager, mais de manière très ponctuelle. Donc au moment où Voyager passait près d'Uranus, tout était calme. Mais ça ne prouve pas que... qu'il n'y ait pas des tempêtes gigantesques et d'autres taches de couleurs. Dès que Voyager a tourné le dos, en fait, on s'est aperçu que sur Uranus aussi, il y a des tempêtes. Donc, comme c'est des échelles de temps qui durent des années ou des dizaines d'années, ce qu'on voit à un moment donné n'est pas forcément caractéristique de ce qui se passe. Il y a des saisons, parce que comme sur Saturne, par exemple, il y a des grosses tempêtes qui ont lieu à peu près tous les 15 ans, donc à peu près une demi-rotation de Saturne, et en fait, on sait que ça arrive, et c'est vrai qu'on peut passer dans une période calme, comme le Soleil, il y a des périodes calmes et des périodes actives, et c'est vrai que Voyager est passé juste très peu de temps. Et est-ce qu'on a aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi plusieurs modèles concurrents, est-ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y a un modèle privilégié sur les schémas de formation de ces géantes de glace, ou est-ce que là aussi c'est sujet à beaucoup d'interrogations, non, ou de questionnements, Bruno Stardy? Les modèles, en fait, on connaît les modèles de migration des planètes maintenant. Mmh. Hein, donc, alors ces modèles de migration, en fait, on sait en gros ça marche. Après, ça change un petit peu. On change un peu les paramètres de ces modèles, mais en gros, on sait à peu près comment ça marche. Alors, dites-nous, par exemple, comment a été créée Neptune? Comment s'est créée les origines? Est-ce qu'on sait où elle s'est créée, ou à quelle place dans le système solaire, et pourquoi elle est arrivée à cette place? Elle n'a pas changé de place par rapport aux planètes. D'accord. Pendant la période de migration. Hein. Les planètes se sont déplacées comme ça par rapport à la distance au Soleil. Mais en gros, on sait que ces planètes se sont formées quand même à l'extérieur du système solaire, c'est pour ça qu'elles ont cette composition, en fait. Et c'est moins violent, en fait, ces planètes, par rapport à Jupiter et Saturne, qui étaient vraiment plus proches et qui ont eu des grosses... L'idée actuelle, c'est qu'il y a un embryon qui se forme d'abord, dans ces régions-là, et que cet embryon aspire ensuite à crête. C'est le modèle de la boule de glace, de la boule de neige. Et ensuite, autour de cette boule de neige, se forme une enveloppe d'hydrogène-hélium qui est, attirée par la gravité de ce corps. Et donc, une fois que cet embryon est formé, il attire l'hydrogène hélium. Alors, c'est l'une des théories qui est actuellement plutôt le vent en poupe. En parlant justement des systèmes de formation, il y a une chose intéressante, c'est que beaucoup de planètes extrasolaires qu'on observait indirectement, par ce qu'on appelle la méthode de vitesse radiale, donc leur action sur l'étoile, qui indirectement permet de montrer qu'il y a des planètes autour de cette étoile. Donc, on n'a pas d'image directe de ces planètes, mais on a leur masse et pour certaines, leur taille. Il se trouve que beaucoup de ces objets, de ces planètes extrasolaires, le gros du bataillon, en fait, est comparable en masse et en taille à Neptune. Alors, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Jupiters chauds, mais disons que Neptune est un bon représentant d'une planète extrasolaire. Donc, l'intérêt d'étudier Neptune ou Uranus, c'est que ce sont des bons représentants du gros du bataillon des planètes extrasolaires. Donc, mieux comprendre les planètes comme Neptune, c'est avoir sous la main, entre guillemets, une planète extrasolaire, comme on en voit beaucoup dans l'univers. Mmh. Donc, si on arrive à avoir plus d'informations et plus, de contraintes sur la formation de Neptune, ça peut aider également à comprendre comment sont formées ces planètes extrasolaires. Autrement dit, Neptune est un bon représentant de quelque chose qui est très générique dans ce qu'on observe dans l'univers et autour d'autres étoiles. Surtout, il y a un continuum, ce qu'on appelle les super-terres, là, les choses qui font une dizaine de masses de terrestres, et puis les Neptunes qui sont plutôt une vingtaine de masses. Et en fait, donc c'est important de savoir un peu comment ça se passe et comment on forme ces systèmes solaires. Hein. Enfin, ces systèmes Deux petites questions encore sur la composition de l'atmosphère. Deux études. Alors, il y en a une qui date de l'année dernière, une qui est un peu plus ancienne. Il y en a une qui date de cette année, une qui date de l'année dernière, pardon. Il y a des simulations qui ont été effectuées cette année avec des données de pression et de composition atmosphérique de ce qui se passerait à 10 000 km sous la surface de l'atmosphère. ça vous fait rire, Bruno Sicardi. C'est intéressant. Ça propose, c'est un modèle qui propose la formation de grêle de nanodiamants, de diamants à l'échelle nanométrique. Oula, d'accord. Non, le mot est lâché. Ah bah oui, bah écoutez, moi je lis des publications scientifiques, c'est intéressant. C'est laquelle, parce que j'ai alors attends, vous me retrouvez. Il faut que je replonge dans mes fiches, non, si mais vous voulez, je retrouve À Grenoble, on est plutôt observateurs, donc en fait, nous on est sceptiques par rapport à tout. Vous êtes un peu sceptique par rapport à ces modèles, c'est le modèle informatique. Non, ce que je veux dire, c'est quand on arrive à des très hautes pressions, qui dit très haute pression et s'il y a du carbone, dit diamant. D'accord. Voilà. Bon. Ça, classique, ça, voilà, ça c'est la physique chimique. Après, dès qu'on dit diamant, tout de suite, on voit les yeux des gens qui brillent en disant il y a des diamants dans la surface. Mais bon, c'est des pressions énormes à l'intérieur, donc que ça soit des diamants ou à haute pression, c'est une chose. Qu'il y ait des diamants, donc il y a un peu une ambiguïté dans ce qu'on annonce. Où les gens vont se ruer avec leur sonde spatiale sur Neptune pour aller récupérer des diamants. Donc, il y a encore un petit saut technologique avant qu'on en arrive là. Non, mais je pense qu'il faut un petit peu faire attention parce que ces effets d'annonce où on dit qu'il y a des diamants dans cette planète. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ces chimies des hautes pressions où on a aussi modélisé une forme d'acide carbonique particulier, l'acide orthocarbonique, qui n'existe qu'à des pressions supérieures à 44 gigapascales. Vous avez même des étoiles, ce qu'on appelle donc les naines blanches, qui sont carbone-oxygène, qui ont une très haute pression, et il se peut que ces naines blanches soient en fait des énormes diamants, donc simplement du carbone à haute pression. Voilà. Mmh. Ça ne veut pas dire que qu'on peut aller les chercher. Je pense que donc, personne. Il faut faire un petit peu attention dans la manière dont on présente les choses. Évidemment, pas faire effondrer le cours du diamant. Encore une fois, il y a un peu de marge avant qu'on aille récupérer les nanos diamants dans l'atmosphère de Neptune. Parlons justement du futur. Je le disais en tout début d'émission, Juno sur Jupiter, Feu Cassini sur Saturne, New Horizon qui a photographié, qui nous a appris, qui a ramené des clichés et des informations assez précieuses de Pluton. Aujourd'hui, Uranus et Neptune sont un peu, disons, les parents pauvres de l'exploration du système solaire, ou est-ce qu'il y a des missions à nouveau qui pourraient venir être mises en place pour retourner les expliquer? Ce qui se passe, c'est que c'est compliqué de faire une mission pour aller là-bas, parce qu'en fait, on pourra faire quelque chose comme Voyager ou comme New Horizon, qui a fait juste un survol de Pluton, et ça n'a pas vraiment d'intérêt, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment une sonde qui aille se mettre en orbite autour de ces planètes, et ça, c'est très compliqué. Parce que c'est très loin, donc ça coûte beaucoup d'énergie, ça m'en prend beaucoup de temps, et c'est une mission complexe, en fait, et très chère. Et il faudra également que ces missions soient en concurrence avec d'autres. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur un astéroïde primitif? Est-ce qu'il vaut mieux ramener du matériau d'une comète? Est-ce qu'il vaut mieux aller survoler une planète au-delà de Pluton? Est-ce qu'il vaut mieux observer, faire des très gros télescopes pour observer des planètes extrasolaires, etc. Donc, s'il faut voir, quand on dit ce serait intéressant ce serait intéressant de faire ceci, mais dans un contexte où il faut choisir entre d'autres missions aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Moi, je pense que une fois qu'on a survolé une planète comme Neptune, Uranus, ça vaut la peine évidemment d'aller, de se mettre en orbite autour. Mais ce qu'il faut voir, c'est dans un contexte où on a en permanence d'autres choix scientifiques, en disant, on pourrait récupérer du matériau primitif d'une comète, et ça... Bien sûr. Quels seraient les arguments d'une sonde autour de Neptune, par exemple, si vous deviez le défendre en compétition avec d'autres projets? Moi, je pense qu'un gros argument serait, par exemple, la structure interne. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a une planète glacée? Est-ce qu'il y a des diamants? Est-ce qu'il y a des diamants? Ne dites à personne. Donc, s'il y a une telle planète à l'intérieur, quelle est sa masse, quelle est sa forme, etc. Je pense qu'ensuite, il y a l'évolution de Triton. Triton est une planète, un satellite dynamique, donc il y a des geysers. On l'a survolé pendant quelques jours. Donc, un autre point intéressant de retourner, je pense, autour de Neptune, c'est de voir l'évolution de l'atmosphère et de la géologie, donc la surface de Triton, sur plusieurs années. Parce qu'il y a des geysers, il y a des glaces qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Je pense que Triton, c'est plus intéressant que Neptune, en fait. Parce que vraiment, on voit le sol, on voit l'état de choses, c'est un satellite actif. Neptune, il y a toujours une atmosphère, on aura toujours du mal à voir ce qui se passe dessous. Un peu, finalement, comme ce qui s'est passé pour Titan autour de Jupiter. C'est comme les prochaines missions qu'on va envoyer vers les satellites de Jupiter. Finalement, c'est plus des satellites qui intéressent. On a vu des saisons sur Titan, grâce à Cassini. On a vu qu'il y avait des choses qui apparaissaient, qui disparaissaient sur les années qu'on durait les survols de Titan. Donc on a vu des lacs, on a vu des brumes qui apparaissaient, qui disparaissaient, on a vu des saisons au pôle de Titan. Et donc on a une sorte de météo maintenant, si on peut dire, ou de climatologie en tout cas de Titan. Et ce serait intéressant de faire la même chose sur un corps comme Triton, qui lui-même ressemble beaucoup à Pluton. Donc rester autour de Triton, c'est une manière également de connaître des corps comme Pluton, puisqu'ils sont de même taille, de même composition, etc. Et donc d'autres corps type ceinture de Kuiper, peut-être donc finalement que les prochaines images que l'on aura, ce sera grâce au futur très grand télescope qui devrait nous permettre pour le coup d'avoir une vision plus précise. Merci beaucoup de Neptune, merci beaucoup Bruno Sicardi, merci François Collat d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cette émission comme chaque jour sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr ou sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation. Et c'était Yanis Douda d'aujourd'hui à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h, ce sera l'heure du grain à moudre. Hervé Gardette demandera aujourd'hui à ses invités si France-Algérie, qui a le plus besoin de l'autre. Dans quelques instants, ce sera le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, Quand l'art se met au service du pouvoir. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous nous demanderons comment les nouvelles technologies, notamment de positionnement par satellite et de géolocalisation, nous permettent de mieux comprendre les mouvements planétaire de la vie sauvage. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.